بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc الحمد لله, on reprend avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala l'explication de l'épître عمدة الفقه, donc de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi. Donc on fait une petite introduction, un rappel sur cette épître-là et l'auteur rahimahullah. Introduction qu'on avait faite lorsqu'on avait commencé la purification. Donc cet épître-là, il est en lien avec la science du fiqh. On avait étudié Al-Usul al-Thalatha, Nawaqid al-Islam, tous deux de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. On avait dit que c'était en lien avec la science d'Al-Aqidah, la croyance, le credo, le dogme. Et ici on est donc dans l'étude d'un domaine qui s'appelle Al-Fiqh, qu'on traduit habituellement par la jurisprudence. Et on se souvient que le hadith de Jibril, alayhi salam, lorsqu'il est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, le questionnant, ce hadith-là nous donne les trois grands domaines autour desquels tourne la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lors de sa première question, il a interrogé sur l'islam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui citant les cinq piliers. La croyance en Allah, dans la shahada, l'attestation selon laquelle il n'y a de divinité qu'Allah, que Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, le don de l'aumône, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage pour celui qui en a la possibilité. Il lui a dit ensuite, informe-moi au sujet de la foi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu par les six piliers de la foi qui sont la croyance en Allah, en ses anges, ses livres, ses messagers, le jour dernier, et la croyance à la prédestinée bonne ou mauvaise. Ensuite, il a interrogé sur Al-Ihsan et le prophète Mohammed lui a répondu en lui disant « C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais et si tu ne le vois pas, sache qu'il te voit. » Ces trois niveaux cités par le prophète Mohammed sont les trois niveaux de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Islam, donc selon le chemin du prophète Mohammed . Correspondant à l'islam, nous avions dit que on a la science qui s'appelle al-fiqh. C'est al-fiqh qui étudie donc ce domaine-là. Donc les piliers de l'islam, la jurisprudence dans le sens de l'étude des pratiques extérieures. L'étude de al-iman, donc ça va être la science d'al-aqida qui étudie donc les croyances intérieures. Et quand on dit croyances intérieures, notamment les paroles du cœur, le credo qui se trouve au niveau des paroles du cœur. Et Al-Ihsan, c'est étudié dans la science, à travers la science qui s'appelle la tazkiyah, la purification. Et ici, on va traiter des actes du cœur et des comportements aussi du musulman. Et ces trois domaines-là, il est de notre responsabilité de les étudier. Le musulman ne doit pas s'adonner qu'à l'aqida en délaissant le fiqh, non plus il ne doit pas s'adonner au fiqh en délaissant l'aqida, et de même, on ne doit pas étudier la aqida ou bien le fiqh en délaissant la tazkiyah, la purification. Nous avons besoin des trois. Donc la science primordiale, c'est al-aqida, car al-aqida, c'est ce pourquoi sont venus les prophètes alayhi salatu wassalam de manière prioritaire, et notamment le tawhid d'Allah azza wa jal et le délaissement du shirk. Et il faut aussi étudier la jurisprudence afin d'authentifier nos actes d'adoration. Et enfin, travailler notre comportement, notre spiritualité intérieure comme extérieure à travers at-tazkiyah, donc la purification. Et lorsque l'on délaisse une de ces sciences, ensuite ça a des conséquences néfastes. Celui qui reste que dans la aqida sans étudier la spiritualité, at-tazkiyah, et quand on veut dire étudier, c'est aussi la pratiquer bien sûr, qu'il ne fait pas d'effort pour arranger son ego. Ben, c'est quelqu'un qui va faire preuve de dureté, qui va manquer de sagesse, etc., et qui n'aura pas un lien véritable avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa aqidah reste nadhariya, elle reste théorique. Et elle manquera souvent de pratique. De même, celui qui reste dans la jurisprudence sans prendre en considération la spiritualité, eh ben, il pourra aussi voir une certaine dureté dans ses comportements et ses adorations. Elles seront techniquement parlant, c'est-à-dire authentifiées extérieurement, mais où est-ce que se trouve le cœur de la personne lorsqu'il fait la prière, lorsqu'il fait le siyam, lorsqu'il donne sa zakat? Ça, c'est autre chose. Donc, le lien, il est intime entre ces trois domaines-là. Et de même, il y a des conséquences néfastes lorsque les gens s'investissent dans la tazkiya, la purification, et qu'ils délaissent l'aqida. Et dans tout, dans l'histoire de notre communauté, on a toujours des groupes qui font plus attention à un domaine qu'à un autre. Mais le plus grave, c'est quand on délaisse carrément un domaine pour s'adonner à un autre de manière complète. Et on trouve par exemple des fuqaha hein, qui ont laissé de très grands livres dans le fiqh, qui étaient des grands muftis, mais qui étaient des mubtadi'a, qui étaient des innovateurs au niveau de la aqida. Ils ont fini Ash'ari, ils ont fini Maturidi ou autres. Et toutes ces sectes-là sont des sectes donc innovantes qui sont loin d'être une partie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et de même, on a des gens qui prennent soin d'apprendre la aqida, hein, les définitions, etc. Mais au niveau spirituel, on voit qu'après, c'est des gens hein, qui ne sont pas selon les pas du prophète alayhi salatu wasalam. Donc il faut, bi'iznillah azzawajal, essayer de recouvrir ces trois domaines. C'est pour ça que une bonne prêche, bi'iznillah azzawajal, au niveau des mosquées, des associations ou autres, c'est d'essayer d'avoir au moins trois discours. Avec un discours donc qui tourne autour de chaque domaine, un discours autour de la aqida, un discours autour du fiqh et un discours autour de la tazkiya. Ça c'est le mieux pour que la personne évolue, pour que les gens de la mosquée évoluent. Donc cet épître là, Umdatul Fiqh, on avait expliqué qu'est-ce que le mot Umda, hein, c'est ce sur quoi repose autre chose, donc c'est le point d'appui, le point de base, et Al-Fiqh, donc dans la langue arabe, c'est al-fahm, la compréhension. Et dans son sens législatif, je vous renvoie, inshallah, au premier dars, on ne va pas se répéter. L'imam Ibn Qudama, rahmatullah alayh, donc c'est un savant de l'école Hanbalite, rahmatullah alayh, et il est né en Palestine, et c'est un très grand savant de l'école Hanbalite. C'est même lui d'ailleurs, comme disent beaucoup, qui a embelli l'école Hanbalite. Lors des premiers siècles, l'école Hanbalite n'était même pas reconnue par beaucoup comme étant une école à madhhab en soi-même. C'est pour ça qu'on trouve certains livres de fuqaha, comme par exemple Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, le début du Mujtahid et la fin de celui qui veut se suffire par cela, de l'imam Ibn Rushd. Il cite à chaque fois les divergences et il ne cite que les trois écoles, donc Hanafiya, Malikiya et Shafiya, et il ne cite jamais l'école Hanbalite. Et beaucoup de personnes qualifient l'imam Ahmed ibn Hanbal comme étant un muhaddith, un savant du hadith, mais pas comme étant un savant d'une école fiqhiya, jurisprudentielle. Mais avec le temps, l'école Hanbalite a pris son ampleur, et notamment aujourd'hui, depuis l'avènement de l'État saoudien. Ça a été le madhhab qui a été de manière officielle instauré donc dans l'État saoudien. Et les madhhab, souvent, ils prennent de l'ampleur parce que ils ont donc derrière un État qui les a propagés. À chaque fois, il y avait des dynasties, donc des États qui prônaient tel madhhab, telle école, et ça a aidé l'école à être propagée. Et le madhhab Hanbali, donc, on dit qu'il a été embelli et qu'il a vraiment pris ses largesses et une position de force avec les écrits d'Ibn Qudama, rahmatullah alayh. Et c'est l'un des premiers savants qui a écrit différents épîtres avec une certaine pédagogie, amenant l'élève donc d'un niveau débutant à devenir un mujtahid. Et Umdatul Fiqh, c'est le premier épître dans la fameuse échelle évolutif dans le fiqh. On a d'abord Umdat al-Fiqh, après Umdat al-Fiqh, on a Al-Muqni', Al-Muqni', c'est celui qui satisfait. Donc on reste toujours dans l'école Hanbalite avec deux versions. Donc dans Umdat al-Fiqh, on n'a qu'une version de l'école Hanbalite. Il ne rapporte jamais de divergence. Dans Al-Muqni', il rapporte deux versions. Donc de l'école Hanbalite. Ensuite, on a Al-Kafi. Dans le Kafi, rapporte toutes les paroles qui existent dans l'école Hanbalite. Le Kafi, c'est celui qui suffit. Et ensuite, on a Al-Mourni, l'enrichissant. Et là, il ramène ce qu'on appelle Al-Khilaf ou Al-Ali, la haute divergence des quatre écoles et voire plus. Et ensuite, il fait ce qu'on appelle la tarjih, c'est-à-dire qu'il donne son avis pour celui qui paraît être le plus prépondérant, en accord avec le délil du Coran et de la Sunna. Donc c'était un mujtahid, rahmatullah alayh. C'était un individu qui a fait des efforts pour la religion, par la langue comme par l'épée, rahimahullah. Donc il a beaucoup écrit, et il a aussi fait le jihad, rahmatullah alayh. Notamment, il était dans l'armée de Salah ad-Din al-Ayyubi. Il a combattu avec Salah ad-Din al-Ayyubi. Donc on va commencer aujourd'hui, bi-iznillah azza wa jal, kitab al-zaka. Donc le livre de al-zaka, on gardera ce terme-là, on ne va pas dire aumône légale ou taxe ou etc. On va rester sur la définition, inshallah, sur le terme arabe. Donc le mot kitab, on l'avait défini lors de notre dar sur kitab ou tahara. Vous vous souvenez de kitab, qu'est-ce que ça veut dire dans la langue arabe? El-kitabu, hein, c'est pris de kataba, yaktubu, kitabatan, wa kataba. Al-Ketbu, Al-Ketb, dans la langue arabe, Al-Kitab, c'est pris de Al-Ketb, c'est le fait de réunir. C'est le fait de réunir. C'est pour ça que Al-Katib, c'est aussi le cordonnier dans la langue arabe, car il réunit les morceaux de cuir par une ficelle. Al-Katiba, la Katiba des Mujahidin, elle est appelée comme cela parce que les gens sont réunis, les cavaliers sont réunis, les uns à côté des autres. Et Al-Kitab, le livre, donc, qui comporte une première de couverture et une quatrième de couverture, on appelle ça comme ça en français, avec un nombre de feuilles entre ces deux derniers. On l'appelle Kitab parce qu'il réunit. Il réunit les lettres, il réunit les phrases, il réunit sur une même feuille ce contenu-là. Et dans l'istilah, le Kitab, c'est donc un ensemble de Masa'il. C'est une division, donc c'est une division que l'on trouve dans le fiqh et qui rassemble un ensemble de Masa'il, de notions. Et c'est la première division qu'il y a dans un écrit. On a le Kitab, après on a le Fasl, hein, etc. On a d'autres divisions. Mais le mot Kitab, il n'est utilisé que pour donc le chapitre qui va réunir beaucoup de... Masa'il, de notions. En dessous de Kitab, on a le Beb, pardon. On a El Beb, la porte. En dessous du Kitab, on a El Beb. Pourtant, on ne dit pas Beb ou Zakat. On ne dit pas la porte de la Zakat. La Zakat, c'est un chapitre, un domaine bien plus large, donc qui mérite le titre de Kitab. Et en dessous du Kitab, on a El Beb. Donc ça, c'est dans la langue arabe et dans le sens législatif, mais on ne s'étale pas trop. Vous revenez sur le premier dars de At-Tahara. Az-Zakat. Donc Az-Zakat, on se souvient qu'on donne à chaque fois la définition du terme dans la langue arabe et ensuite dans le sens législatif, s'il existe. Donc on a trois haqa'iq, ce qu'on va appeler des définitions des réalités. On a la haqiqa al-lughawiyya, la réalité ou bien la définition linguistique. Donc c'est un terme comme l'ont utilisé les Arabes. Le mot zakat, il existait avant l'envoi du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam dans la langue arabe. Comment est-ce que le bédouin arabe, le berger arabe, ou ou tout autre individu arabe, même non musulman, un polythéiste, avant l'envoi du prophète alayhi salatu wa sallam, utilisait ce terme-là? Donc il avait une définition. Ensuite, on a ce qu'on appelle al-haqiqatul urfiyya, l'utilisation coutumière, traditionnelle, dans le peuple, dans la société, un terme peut avoir une définition. Et ensuite, on a al-haqiqatu shar'iyya, la définition législative. La définition législative, contrairement aux deux autres, elle prend le terme, donc le mot, et sa définition sont données par la législation, al-shar'a. Le terme et la définition, obligatoirement, ils doivent être pris du shar'a. Et on ne peut pas prendre, donc, dans une définition législative, le terme du char, et prendre la définition dans la langue, par exemple, ou bien dans l'urf. Là, on n'est plus dans une définition ensuite législative. Le iman, on avait expliqué, Donc c'est une définition dans la langue arabe, mais le mot iman, il est dans le Coran et la Sunna. Et la définition du iman, elle doit être donnée par le Coran et la Sunna. On ne peut pas l'apprendre par la langue, et non plus par la coutume, la tradition et l'urf, ce qui est reconnu comme tel. Donc de même, as-salah. As-salah, dans la langue arabe, c'est ad-du'a, c'est l'invocation. Et dans le sens législatif, c'est autre chose. Donc est-ce qu'on peut prendre la définition linguistique? Non. Obligatoirement, on doit revenir au Coran et à la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam pour définir les termes. Donc az-zakat dans la langue arabe, ça a plusieurs définitions. Parmi celles-ci, at-tahara. At-tahara, donc la purification. Allah subhanahu wa ta'ala dit qad aflaha man zakkaha. A certes réussi celui qui l'a purifié. Donc le sens ici de qad aflaha man zakkaha, a certes réussi celui qui l'a purifié. Donc ici, az-zaka a le sens de at-tahara. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. Ne faites pas l'éloge de vos propres personnes. Donc ici, az-zaka a le sens de al-madh, donc de l'éloge. Aussi, les Arabes disent zaka zar'u, donc le grain a grandi. Donc c'est la croissance, le fait de grandir, de croître. Az-zaka, donc dans la langue arabe, ça c'est trois sens-là. La croissance, al-numu, la croissance, al-tahara, la purification, et aussi al-madh, l'éloge. Ensuite, dans al-istilah, dans le sens consensuel des fuqaha, c'est at-ta'abbudu lillahi azza wa jal bi ikhraji haqqin wajibin fi malin makhsousin li ta'ifatin makhsousa fi waqtin makhsous. C'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est pour montrer que c'est une adoration. Donc on va retrouver ça dans chaque acte. Bi ikhraji haqqin wajibin. En sortant, donc un droit qui est obligatoire. Fi malin makhsous, dans un bien spécifique. Li ta'ifatin makhsousa, pour un groupe de personnes spécifiques. Fi waqtin makhsous, durant un moment spécifique. Donc, at-ta'abbudu lillah, on passe rapidement sur cette définition, l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, donc ça s'implique qu'il faut qu'il y ait une intention, al-ikhlas. Si la personne fait cet acte-là sans mettre l'intention que c'est pour Allah, azza wa jal, il n'est pas dans une adoration. En sortant, un droit obligatoire. Donc, comme on va le voir, comme va le dire l'auteur, c'est une obligation. Donc, c'est un haqq, c'est un droit. Ça, c'est l'argent, le bien d'Allah dans ton bien. Donc, c'est une obligation de le sortir. Donc on ne sort pas ce que l'on veut, on sort un haqq. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va définir ce que l'on va sortir. C'est pour ça qu'on dit ensuite « fimel in morsous » dans un bien spécifique. Il n'y a pas zakat dans tout bien. Il y a zakat dans certains biens définis. Qui les a définis? Est-ce que c'est un savant comme ça? Il sort ça de sa tête? Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre et le prophète alayhi salatu wassalam dans sa sunnah. L'ita'ifatin marsousa, un groupe de personnes spécifiques. Et on verra, c'est al-asnaf al-thamaniya, les huit catégories citées dans Surat al-Tawbah. Donc on ne peut pas non plus donner la zakat à n'importe qui, à qui l'on veut. Fi waqtin marsous, à un moment déterminé, spécifique. Donc de même, on ne la sort pas n'importe quand. On verra, lorsque le bien restait en notre possession pendant une durée d'un an après avoir dépassé le seuil, pour certaines catégories, et pour d'autres catégories, comme les récoltes au moment de la récolte. Et quelles sont les preuves donc de az-zakat dans le shara, dans la législation? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, surat al-Tawbah, « Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha » Prends de leurs biens une sadaqa, donc une aumône, « tutahhiruhum » qui va les purifier, et par laquelle tu les purifieras. Et les preuves sont nombreuses dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a consensus sur le fait que az-zakat est une obligation. C'est pour ça qu'on arrive à la parole de l'auteur qui dit wa hiya wajiba, et elle est obligatoire. Donc ici, il nous donne le hukm, le statut, donc légal de cette adoration-là. On se rappelle que les statuts légaux sont au nombre de 5, ça c'est une chose à apprendre par cœur, ce qu'on appelle al-ahkam al-taklifiyya. Donc le premier c'est al-wujub, l'obligation. On le définit en disant ma amara bihi shari'u amaran jaziman. c'est ce que a ordonné le législateur, donc d'une manière tranchée. Et ceci implique, et ce n'est pas la définition, beaucoup donnent ça comme la définition, mais c'est une implication, ma yuthabu alayhi fa'ilu wa yu'aqabu alayhi tariku. C'est ce pourquoi est récompensé celui qui le fait, et c'est la chose pour laquelle est soumis au châtiment celui qui la délaisse. Ensuite, on a al-mustahab, le recommandé. La définition en arabe, on dit ma amara bihi shari'u amran ghayra jazimin. C'est ce qu'a ordonné le législateur d'une manière non tranchée, donc non obligatoire. Qu'est-ce que ça a comme implication? Ma yuthabu alayhi fa'ilu, c'est la chose pour laquelle est récompensée la personne qui l'a fait, wa la yu'aqabu alayhi tariku. Et celui qui la délaisse n'est pas soumis donc à un châtiment, une punition. Donc un exemple de wajib, la prière. Et ici la zakat. Celui qui l'a fait est récompensé, celui qui l'a délaissé est soumis au châtiment. Le mustahab, le recommandé, se passer le siwak avant la prière, avant les ablutions. D'autres savants disent pendant les ablutions. C'est recommandé. Celui qui le fait est récompensé, celui qui ne le fait pas n'est pas soumis au châtiment d'Allah. Ensuite, on passe à l'interdit, je saute volontairement la catégorie intermédiaire. Donc là, on était sur la définition des deux catégories concernant l'ordre. Et là, on est sur les deux catégories concernant l'interdit. La moindre des deux, c'est al-makruh. Al-makruh, le détestable. On le définit en arabe, ma naha anhu shari'u nahyan ghayra jazimin. C'est ce qu'a interdit le législateur, une interdiction non tranchée, non obligatoire. Et on dit qu'il y a comme implication ma yuthabu alayhi tariku wa la yu'aqabu alayhi fa'ilu. C'est la chose qui, lorsqu'elle est faite, la personne n'est pas punie pour cela, et lorsqu'elle est délaissée, elle est récompensée. Elle est récompensée. Après, il y a l'istimrar fil makruh, le fait de rester de manière continue dans le makruh, ça c'est un autre point, mais on ne le développe pas ici. Ensuite, on a al-muharram. Donc, le haram, le muharram, l'interdit. On définit en arabe, ma naha anhu shari'u nahyan jaziman. Donc, c'est ce qu'a interdit le législateur, une interdiction tranchée, donc obligatoire. L'implication, ma yu'aqabu alayhi fa'ilu wa yuthabu alayhi tariku. C'est la chose qui, lorsqu'elle est faite, donc l'acteur est soumis au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsqu'il la délaisse, il est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Entre ces deux catégories d'ordre et les deux autres d'interdit, on a la catégorie intermédiaire qui est al-mubah, qui est le permis. Et on va dire en arabe que c'est mastawa fi'luhu wa tarku. C'est la chose pour laquelle le fait de le faire ou de le délaisser est équivalent. Tu le fais ou tu le délaisses, c'est pareil. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ni l'a ordonné d'une manière tranchée pour que ce soit obligatoire ou bien non tranchée pour que ce soit recommandé, et ni il l'a interdit d'une manière tranchée pour que ce soit haram ou d'une manière non tranchée pour que ce soit makruh, détestable. Donc c'est le mubah. Et la base dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, hein, c'est al-ibaha. Al-ibaha, donc la permission. La permission, c'est la règle de base. Dans le commerce, par exemple. Dans la tenue vestimentaire. Dans l'alimentation. Dans les boissons. En revanche, dans al-ibadat, hein, al-ibadat, on dit qu'elles sont tawqifiyah. C'est-à-dire que on ne peut faire une adoration jusqu'à ce que le dalil nous donne le feu vert et nous dit que la législation l'a rendu obligatoire ou bien recommandée. Est-ce qu'il y a des adorations interdites? Est-ce qu'il y a des adorations qui sont détestables? Ou est-ce qu'il y a des adorations qui sont permises? Non, les adorations, elles relèvent du recommandé ou de l'obligatoire. Parce qu'on a toujours donné, hein, de nombreuses fois, la définition d'Ibn Taymiyyah, dans son chapitre Al-Ubudiyah. Les adorations, c'est l'ensemble des paroles et des actes intérieurs et extérieurs qu'Allah aime et agréé. Lorsque Allah aime ou agréé, c'est soit le recommandé, soit l'obligatoire. Ça ne peut être le permis, ni le détestable, et encore moins le haram. Donc dans On a dit les boissons, l'alimentation, les contrats commerciaux, les types de commerce, etc. Là-bas, c'est al-ibaha. Ça montre, alhamdoulillah, la rahma, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. » C'est lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a dans la terre. Puis il s'est orienté vers les cieux et les a créés au nombre de sept. Donc tout ce qu'il y a sur terre, c'est à notre service. Et la base, c'est la licéité jusqu'à ce que le délil montre le caractère illicite de cette boisson, de cette nourriture, de cette tenue vestimentaire. Donc pour les hommes, tout est permis en matière de tenue vestimentaire, sauf ce qui descend sous les chevilles, sauf ce qui ressemble aux vêtements des koufars, sauf la soie, sauf libas al-shuhara, le vêtement qui a pour objectif de que la personne soit remarquée. Et de même pour la femme, là-bas c'est que tout est permis, sauf. Donc ça aussi c'est une menhajia, une pédagogie ensuite à voir dans la derwa, hein, dans la prêche. Il faut montrer aux gens la largesse de notre sharia, car en réalité la base c'est que tout est permis, sauf, mais dans les domaines que nous avons cités, commerce, boissons, tenues vestimentaires, etc. Donc il dit ici, concernant la zakat, on revient au statut légal, wahiya, donc la zakat, wajiba, elle est obligatoire. Elle est obligatoire. Donc ça, c'est selon le Coran, la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam, et aussi, donc, al-ijma', le consensus. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa atu zaka, est donné la zakat. Comment est-ce qu'on en tire de ce verset-là que la zakat est obligatoire? On l'a répété de nombreuses fois. Comment est-ce que l'on tire de ce verset-là que la zakat est obligatoire? Voilà, parce que c'est un mode impératif. Al-amr. Wal-amru yufidu al-wujub. Et le mode impératif implique l'obligation, sauf si une qarina, sauf si un indice extérieur nous montre. Donc, cette injonction, elle n'est pas en réalité une obligation, mais plutôt une recommandation. Et ça, c'est pas par l'aql, c'est pas par la raison, c'est pas par les hawa, les passions, mais c'est par un autre texte du Qur'an, de la Sunna, ou bien par un consensus que l'on peut dire que cet impératif vise la recommandation et non pas l'obligation. Il y a d'autres formes d'impératifs qui visent la permission, mais ça reste exceptionnel. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُوا. Et lorsque vous sortez de votre période de sacralisation, فَاسْطَادُوا, chassez. Est-ce que ça veut dire que quand tu sors de ta période de sacralisation, tu dois aller chasser un animal obligatoirement? Non, ça veut dire qu'il t'est permis de chasser. Ça s'étudie dans Usul al-Fiqh, dans les fondements de la jurisprudence. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans laquelle il dit, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, sourate At-Tawbah, et s'ils se repentent, donc cette parole concerne les mushrikoun, les associateurs, et s'ils se repentent et qu'ils pratiquent la prière et donnent la zakat, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, ils sont alors vos frères en religion. Ce qui sous-entend que s'ils ne donnent pas la zakat, ils ne sont pas vos frères en religion, ce qui est une des preuves concernant l'excommunication de celui qui ne donne pas la zakat, mais on verra que la vue le plus authentique, bi'iznillah, c'est qu'il reste musulman. Mais en tout cas, ça montre le caractère obligatoire de la zakat. La parole aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala, citée précédemment, on avait dit, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Prends de leurs biens une sadaqa, une aumône, تطهرهم, qui les purifiera, وتزكيهم بها, et par laquelle tu les purifieras. Donc ça c'est concernant le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant la sunna, le fameux hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, qui se trouve dans Al-Bukhari et Muslim, Bunya al-Islamu ala khams, l'islam a été fondé sur cinq. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah, l'attestation selon laquelle il n'y a de divinité méritant l'adoration qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, wa iqami salah, la pratique de la prière, wa ita'i zakat, et le fait de donner الزكاة والحج et le pèlerinage, والصوم رمضان et le jeûne du mois de Ramadan. Donc comment est-ce que l'on tire de ce verset-là, de ce hadith-là, que الزكاة est une obligation? C'est du fait que ça a été cité comme étant un pilier. Comme étant un pilier. Et il y a l'ijma'. Hein, il y a l'ijma', que l'imam Ibn Qudama lui-même cite dans Al-Mughni, selon lequel Az-Zaka est un pilier de l'islam, est une obligation. La zaka, elle a plusieurs sagesses. Il est important, lorsqu'on étudie certaines adorations, de montrer les sagesses de ces adorations-là, afin de montrer, alhamdoulilah, la miséricorde de notre sharia et la hikma, donc la sagesse qui se trouve derrière telle ou telle législation. Même si la sagesse, alhamdoulilah, elle a pour objectif non pas de créer l'obéissance, de mettre en position d'obéissance l'individu, car l'individu, connaissant la sagesse ou non de telle ou telle adoration, il se doit en tant que serviteur d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça permet, alhamdoulilah, d'augmenter la foi et d'amener à comprendre, même parfois des non-musulmans, à comprendre pourquoi est-ce que tel acte, parole, ont été légiférés. Donc parmi les nombreuses sagesses, les nombreux intérêts de Az-Zaka, il y a le fait que ça enlève la haine donc du cœur des pauvres dans la société. Lorsque les pauvres voient les riches leur donner de l'argent, ça crée dans leur cœur, alhamdoulilah, un sentiment où ils ressentent la solidarité qu'il y a dans le mujtama', dans la société musulmane. Et ça enlève al-shahna, la haine, al-barda, hein, qui peut exister donc entre différentes catégories, notamment les pauvres et les riches. Aussi, ça permet de purifier, hein, de purifier le cœur donc des gens qui sont riches. Purifier ce cœur-là, donc de l'avarice, de l'égoïsme, en faisant sortir de manière obligatoire une part de leurs biens pour la distribuer à certaines catégories. Et l'être humain, hein, il est jubila ala hubbil mal, c'est quelque chose qui est naturel, le penchant vers l'argent. Et l'argent est une grande fitna de cette communauté. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Inna li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummatil mal ». Toute communauté a une tentation, et la tentation de ma communauté est l'argent. Donc ça permet de renforcer aussi les liens de la société. Ça permet bien sûr aussi de pardonner les péchés et d'élever les degrés des personnes qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala en donnant cette obligation-là. Aussi, ça permet de propager la sécurité dans la société. Car lorsque les pauvres reçoivent, alhamdoulilah, des biens de la part de la couche qui est riche, ça permet, alhamdoulilah, de diminuer, voire de faire disparaître, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, le vol, les agressions, etc., qui sont souvent dues, hein, au fait, certes, que certains, même ayant de l'argent, vont s'adonner à ce type de mauvais comportement, mais certains vont être poussés par leur pauvreté à parfois voler ou faire des choses de la sorte. Et le fait que, alhamdoulilah, la zakat soit prise et redistribuée, c'est quelque chose qui permet de diminuer, voire faire disparaître ces maux-là. Quel est le statut de celui qui ne donne pas az-zaka? Le statut de celui qui ne donne pas az-zaka. Donc il y a plusieurs cas. Le premier cas, c'est qu'il ne la donne pas car il prétend que ce n'est pas une obligation. Ou il prétend que ce n'est pas légiféré. Ou il prétend que c'est recommandé. Il dit, en islam, il n'y a pas de zakat, ça n'existe pas. Zakat, ça n'existe pas. Ou bien il dit, c'est recommandé. Et le recommandé, comme on l'a défini, hein, si tu ne le donnes pas, tu n'es pas soumis au châtiment car ce n'est pas obligatoire. Celui qui prétend cela, la base c'est qu'il est mécréant. Car il a réfuté donc quelque chose qui relève du ma'loum min ad-din bid-darura. C'est quelque chose que nul n'est censé ignorer. Le musulman n'est pas censé ignorer que az-zaka est une obligation en islam. Mais on va extraire deux catégories qui ne seront pas taxés de mécréants jusqu'à ce que la preuve leur soit établie. Donc s'ils persistent par rapport à leur réfutation du caractère obligatoire de la zakat après que la preuve, c'est-à-dire que les versets et les hadiths étaient, les versets du Coran et les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam leur aient été établis, alors à ce moment-là, ils apostasient. Quelles sont ces catégories? Al-hadith wa ahdin bil-islam, hadith wa ahdin bil-islam, celui qui vient d'entrer récemment en islam. Et la deuxième catégorie, al-nashi'u bil-badiya, celui qui a grandi dans une contrée coupée de la science. Donc ces catégories sont sorties par les fuqaha et il n'y a pas établissement de ridda d'apostasie jusqu'à ce que la preuve leur soit établie. Mais lorsque istafad al-ilm, lorsque la science elle est propagée et que tout le monde connaît. Qu'est-ce que Ezekiel, l'enfant comme la femme, comme l'homme, le savant comme le commun des gens, et qu'à ce moment-là, une personne réfute le caractère obligatoire d'Ezekiel, ou bien dit que c'est donc recommandé, ou bien carrément que ce n'est pas légiféré, elle apostasie sur place, même sans qu'il y ait eu établissement de la preuve, car la preuve est établie en réalité, et ça on l'a vu dans nos Doros de Aqida. Donc ça c'est le premier cas. Deuxième cas, il confirme le caractère obligatoire de Ezekiel, mais il ne veut pas la donner par avarice. Il ne veut pas la donner, il est avare, il ne veut pas donc la sortir, mais il confirme son caractère obligatoire. Donc ici, chez la majorité des savants, cette personne n'apostasie pas. Elle ne sort pas de l'islam, mais il faut savoir qu'elle est dans un état extrêmement dangereux, car certains savants le font sortir de l'islam. Et nous, quand on apprend notre religion et qu'on entend que telle chose ne fait pas sortir de l'islam, ce n'est pas pour la délaisser. Il y a des gens qui sont heureux d'entendre que c'est makruh, que ce n'est plus haram, car ils vont pouvoir s'adonner à cette chose-là. D'autres sont heureux d'entendre que c'est mustahab, recommandé, non pas wajib, ils vont pouvoir délaisser cet acte ou cette parole. Or ça, ce n'était pas le manhaj des salafs, rahimahumullah. Ils cherchaient à savoir qu'est-ce qui est haram pour le délaisser, et ce qui est makruh, ils le délaissaient aussi. Car le makruh, il reste dans un domaine qui est détesté par Allah. Le haram est plus détesté que le makruh, mais le makruh est quand même détesté. Et le fait de s'adonner au détestable comme ça, sans y prêter attention, c'est un manque dans la ubudiyya, dans la servitude. Car le serviteur, il ne veut être que dans un domaine que son maître aime. Et Allah aime de toi que tu sois dans le recommandé ou dans le wajib. Dans le mustahab, le recommandé ou bien le wajib. Le mubah, ça t'est permis. Mais trop rester dans le mubah, ça risque de t'amener dans le makruh et te tirer ensuite vers le haram. Donc nous, on apprend ces règles-là, ce n'est pas pour délaisser, ou bien pour faire le makruh, pour délaisser le recommandé ou faire le makruh, mais c'est plutôt pour, Inch'Allah, s'accrocher fermement à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc celui qui délaisse az-zakat de manière volontaire, mais tout en confirmant son caractère obligatoire, il est, bi-iznillah, encore musulman, mais dans un état extrêmement dangereux, et c'est un fasiq. Donc c'est un fasiq, et c'est quelqu'un qui, par rapport aux trois niveaux de la foi, qui sont la complétude recommandée, la complétude obligatoire et la base de la foi. Qu'est-ce qu'il a concrétisé? Cette personne, elle a concrétisé quoi? Elle a la base de la foi. Est-ce qu'elle a la complétude recommandée? Non. Est-ce qu'elle a la complétude obligatoire? Non plus. Donc si elle meurt dans cet état-là, sans s'être repentie, elle est sous la volonté divine. Yawm al-qiyam, mashi'atullah. Allah, s'il veut, il lui pardonne, et s'il veut, il le châtie. Et le hadith que nous allons citer maintenant le prouve, wallahu a'lam. Donc il est rapporté par Muslim. An Abi Hurayrah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idha kana yawm al-qiyamati suffihat lahu safa'ihu min narin fa uhmiya 'alayha fi nar jahannam fa yukwa biha janbuhu وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. Il dit que toute personne possédant de l'or ou bien de l'argent et qui n'en donne pas son droit, donc az-zakat, le jour du jugement, donc on lui préparera des plaques de feu, et elles seront chauffées. Elles seront chauffées dans le feu de la géhenne. Et on lui brûlera ensuite ses côtes, son front et son dos. À chaque fois que ces plaques-là refroidiront, on les remettra dans le feu pour qu'elles chauffent à nouveau, et ceci pendant une durée donc d'un jour qui dure 50 000 ans. Jusqu'à ce que l'on ait jugé entre les serviteurs. Il verra alors son chemin, soit au paradis, soit en enfer. Donc c'est cette partie du hadith-là qui montre bi-iznillah, que celui qui ne donne pas az-zaka, il sera soit au paradis, soit en enfer. Et celui qui n'a pas concrétisé aslul iman, la base de la foi, peut-il aller au paradis? Non. Mais ceux qui ont dit que celui qui ne donne pas zakat est mécréant, ils connaissent ce hadith-là. Donc ils l'interprètent, et leur interprétation, elle est, Allah a'lam, elle a sa force aussi. Mais bi-iznillah, il reste musulman. Donc il dit وَهِيَ وَاجِبَ, elle est obligatoire. عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرِّن, donc pour tout musulman libre. Donc ici il va commencer à nous donner les caractéristiques de la personne pour laquelle الزَّكَات est obligatoire. Donc première caractéristique, il dit عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ, donc elle est obligatoire pour tout musulman. Donc le premier caractère, la première caractéristique, c'est la personne doit être musulmane. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas obligatoire concernant le kafir? Le mécréant est interpellé par cette obligation-là, mais tant qu'il n'a pas réalisé le tawhid, il est inutile pour lui de la donner. Et elle n'est pas valide. Elle n'est pas valide. Donc, ala kulli muslimin, pour tout musulman. Donc, on extrait du terme musulman le kafir asli, donc le mécréant d'origine, c'est celui qui n'est jamais entré en islam, et al-murtad, aussi l'apostat, celui qui est entré en islam et qui en est sorti, sa zakat n'est pas acceptée. Ensuite, il dit hur, donc ala kulli muslimin hur, libre. Donc celui qui est esclave, il n'a pas de zakat à fournir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ses biens ne lui appartiennent pas, mais appartiennent à son maître. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit dans le hadith apporté par al-Bukhari et Muslim, وَمَنِ ابْتَعَى عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَعِ. Et celui qui vend un esclave, donc, et qui a des biens, donc cet esclave, il a avec lui des biens, ses biens appartiennent à celui qui l'a vendu, sauf si l'acheteur conditionne donc de les avoir. Lorsque un esclave est vendu, donc l'esclave est donné à l'acheteur et les biens qui étaient auprès de cet esclave-là restent auprès donc du propriétaire d'origine. Et l'acheteur n'a le droit d'avoir ces biens-là que s'il les met comme condition dans le contrat. Donc si jamais il ne possède pas ces biens, donc il ne sort pas de zakat, car ses biens ne lui appartiennent pas, et on va voir qu'il faut comme condition la possession. Il dit donc ala kulli muslimin, pour tout musulman, hur, donc libre, malaka nisaban milkan tam, qui possède le seuil, une possession complète. Donc qui possède le seuil, une possession complète. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par posséder le seuil? Donc dans les différents biens, dans les quatre catégories pour lesquelles il y a zakat, on verra qu'il y a donc pour chaque catégorie un seuil, ce qu'on appelle an-nisab. Lorsque l'argent atteint ce seuil-là, et non pas le dépasse, lorsqu'il atteint ce seuil-là, alors à ce moment-là, c'est un bien donc qui est redevable de la zakat s'il répond encore à d'autres conditions que l'on va voir, que l'année est tournée sur lui, etc. Donc lorsque ce seuil est possédé par la personne et que ce seuil est possédé de manière complète, alors la zakat devient obligatoire. Qu'est-ce qu'on veut dire par possession complète et qu'est-ce qu'on veut dire par nisab? Donc nisab, on a dit que c'était le seuil, et ça on le trouve dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith est rapporté par al-Bukhari et Muslim, laysa fi ma duna khamsati awsuqin min at-tamri sadaqa. Il n'y a pas donc en deçà de 5 awsuq, on verra qu'est-ce que khamsat awsuq, c'est le pluriel del wisq, al awsuq. Il n'y a pas en deçà de 5 awsuq de date de zakat, de sadaqa. Wa laysa fi ma duna khamsi awaqin min al-wariq sadaqa. Il n'y a pas en deçà de 5 awaq, donc qui sont des pièces d'argent de l'époque, il n'y a pas en dessous de 5 awaq d'argent de zakat. وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٍ. Et il n'y a pas en deçà de 5 têtes de chameau de zakat. Donc ce hadith-là, il montre que en dessous de chaque seuil qui ont été cités, on va y revenir après nous de manière détaillée, on donnera le seuil de l'argent en grammes et le seuil de l'or en grammes, etc. On verra de manière détaillée les seuils par rapport à chaque type de bestiaux. Le prophète alayhi salatu wassalam, ici, il rejette le fait qu'il y ait une sadaqa en deçà de certains seuils. Ce qui montre qu'une fois que ce seuil est atteint, alors à ce moment-là, la personne est redevable de zakat. Donc ça, c'est une condition. Milkan tam, il faut que la personne Donc possède ce seuil-là une possession complète. Qu'est-ce qu'on veut dire par possession complète? Il y a des cas où là, le bien t'appartient, mais tu ne le possèdes pas de manière complète, donc la zakat n'est pas redevable. Des exemples. L'exemple de l'argent que tu as prêté à quelqu'un, donc il a une dette envers toi, et cette personne est un mumatil. C'est quelqu'un qui fait traîner la dette. L'argent que lui possède, tu l'as prêté 1000 euros par exemple, c'est 1000 euros que lui a. Mais ça fait des années que ça traîne. Cet argent, il est à toi ou il n'est pas à toi? Est-ce que c'est ta propriété? Oui. Mais est-ce que tu le possèdes de manière complète? Non. Donc c'est un argent, on verra, pour lequel tu ne sors pas de zakat. On verra la vie que l'on choisit dans cet épître-là. Et il y a carrément d'abord « Babu zakat id-dayn ». On aura une porte qui est la zakat de la dette. Donc ça, c'est une forme de possession qui n'est pas complète. Il y a aussi ce qu'on appelle les sanadiq, les caisses, hein, les caisses de garantie ou bien d'assurance que font certaines personnes. Chacun met de l'argent dans cette caisse-là. Chacun met de l'argent dans cette caisse-là, mais avec comme condition de ne pas récupérer cet argent-là. Hein. Cinq frères se réunissent et ils mettent chacun 2000 euros, par exemple, et disent si jamais l'un d'entre nous il meurt, on prend de l'argent pour l'enterrer avec. Mais sans avoir la condition de récupérer cet argent-là, et que si la personne meurt aussi, c'est pas un argent dont vont hériter les héritiers. Cet argent-là, tu le possèdes, mais est-ce que tu le possèdes d'une manière complète? Non, tu ne le possèdes pas d'une manière complète. Pourquoi est-ce que tu ne le possèdes pas d'une manière complète? Parce que tu l'as posé, et tu ne peux plus le reprendre. Hein, tu ne peux plus le reprendre. Donc en revanche, si jamais tu le récupères, hein, si jamais c'est quelque chose que tu récupères ou bien que tes héritiers héritent, ça c'est un prêt. Hein, ça c'est un prêt, c'est un autre statut. Il y a aussi l'argent. L'argent qui se trouve par exemple dans les mosquées aujourd'hui ou bien dans les associations. Hein, les comptes couvrent ces associations-là et ils ont beaucoup d'argent par les dons des fidèles, des adhérents, etc. Ça aussi c'est un argent que l'on ne possède pas en réalité, parce que c'est un waqf. En vérité, c'est un argent qui est arrêté pour une maslaha, pour un intérêt donc commun. Donc il n'y a pas de zakat, même si on est à je ne sais combien de centaines de milliers d'euros, donc il n'y a pas un propriétaire concernant cet argent-là, donc il n'y a pas de zakat. Il n'y a pas de zakat dans ce type d'argent. Donc nous on prend les règles générales, après les cas spécifiques sont nombreux, hein, mais pas aussi nombreux que ça, walillahi alhamd. Donc nous on prend les cas généraux et après celui qui a le doute sur quelques types d'argent, il revient vers la fatwa, vers les savants biiznillah azza wa jalla. Il dit ensuite rahmatullah alayhi wa la zakat fi malin hatta yahula alayhi al-hawl. Et il n'y a pas de zakat, il n'y a pas d'aumône, il n'y a pas de zakat dans un bien. Donc le mot mal, on ne le traduit pas par argent. Parce que l'argent, dans le sens propre du terme, l'argent, argent or, hein, c'est-à-dire le métal argent, c'est un des biens sur lequel il doit y avoir zakat lorsqu'il atteint le nisab et qu'il répond au reste des conditions. Donc nous, on traduit le mot mel par bien. C'est important de ne pas traduire par argent. Il dit « Wala zakat fi mel » et il n'y a pas de zakat fi mel dans un bien. Donc dans quelque bien que ce soit. Ça en est dit ici « fi melin » c'est une nakira. Un indéfini. Fi siyaq in nafi. Dans un contexte de négation. Fata'oum. Donc elle est générale. Hein, ce terme-là, le mot mel, cette nakira, ce mot indéfini, il est il englobe tous les biens. Donc il n'y a pas de zakat dans quelque bien que ce soit. Hatta yahoula alayhi al-hawl. Jusqu'à ce que l'année donc s'écoule sur ce bien-là. Donc première condition. Il faut que la personne soit musulmane, ça c'est concernant celui qui donne la zakat, il faut qu'il soit libre. Après concernant le bien, donc on a cité deux conditions, ici la troisième. Première condition, il faut que on atteigne le seuil. Il y a un seuil en argent, il y a un seuil en or, il y a un seuil dans les moutons, il y a un seuil dans les chameaux, il y a un seuil dans les vaches, les bovins. Donc dans les bovins, les ovins, les caprins, dans tous ces bestiaux-là, donc dans chaque bête, il y a un seuil. Lorsqu'on a atteint le seuil, il faut que, deuxième condition, Il faut qu'on le possède de manière complète. De manière complète. Troisième condition, il faut que l'année s'écoule. Il faut que l'année s'écoule sur ce bien-là. Après, on va le revoir, ça, de manière détaillée. Parce qu'on a plusieurs chapitres. Et on aura un bab qui est bab ou ikhraj az-zaka. La porte concernant comment est-ce que l'on sort az-zaka. Donc, il faut que l'année s'écoule. Donc, on entend certains cours aujourd'hui, hélas, dans certaines mosquées, notamment lors du mois de Muharram, qui est le premier mois de l'année de l'Hégire, premier de mois de l'année lunaire, on dit c'est le mois de Az-Zaka. Je ne sais pas d'où ça vient cela, d'où provient ça, Allah a'lam, mais c'est une erreur. Car ça va être le mois où il faut que la personne sorte sa zakat pour celui qui avait atteint le seuil lors du Muharram dernier. Ou bien pour celui qui veut accélérer sa zakat, on verra que c'est permis. Donc pour celui dont l'année ne s'est pas écoulée, qui veut accélérer sa zakat. Mais pourquoi chaque année au mois de Muharram dire c'est le mois de zakat? Allah a'lam, ça n'a pas de fondement. Et donc certaines personnes voient donc leur seuil atteint et l'année écoulée à un certain mois se disent non mais c'est pas encore Muharram donc je sortirai Muharram et on va peut-être mettre des gens en attente alors que le wajib obligatoire est déclenché depuis une certaine période. Donc il n'y a pas en réalité de date à laquelle on sort la zakat, la date elle est personnelle. C'est lorsque toi tu as atteint le seuil et qu'une année s'est écoulée pour toi. Donc les zakats sont sortis à différents moments, on verra, sauf pour certaines catégories. Donc il dit « Laysa wa la zakata fi malin hatta yahoula alayhi al-hawl » Il n'y a pas de zakat dans quelque bien que ce soit jusqu'à ce que l'année s'écoule, donc sur ce bien. Que un an se soit écoulé. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam. Donc là c'est moi qui parle et non plus l'auteur. En raison de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, laysa fi malin zakatun hatta yahula alayhi al-hawl. Il n'y a pas dans quelque bien que ce soit une zakat jusqu'à ce que l'année s'écoule. Ce hadith est rapporté par Ahmed Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Ça c'est qui? C'est les cinq sauf An-Nasa'i. C'est les cinq sauf An-Nasa'i. On avait donné toutes ces terminologies. Un muttafaqun alayhi, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Rawahu As-Sab'a, ou bien Al-Jama'a, rapporté par les sept, c'est Al-Bukhari, Muslim, Ahmed, Al-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daoud et Ibn Majah. Ahmed, je l'ai cité après Bukhari et Muslim. Abu Daoud, Ibn Majah. Rapporté par les 5, c'est les 4 des Sunan plus Ahmed. Rapporté par les 4, c'est les 4 des Sunan. Donc, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Abu Daoud et Ibn Majah. Rapporté par les 3, c'est les 4 Sunan, sauf, on enlève Ibn Majah. Donc, c'est An-Nasa'i, At-Tirmidhi et Abu Daoud. Donc, ce hadith-là, certains disent qu'il est donc une parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais Allah a'lam, ce qui est le plus authentique, Wallahu a'lam, c'est une parole d'Ibn Omar. C'est une parole d'Ibn Omar, radiyallahu anhuma. Wallahu a'lam, mais qui a hukm al-raf'a, qui a le statut d'être statutairement donc attribué au prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord? Car c'est quelque chose qui ne relève pas du ra'i, de l'avis. Il y a certaines choses comme les adorations, ou bien les choses en lien avec les signes de la fin des temps, ou bien l'au-delà, lorsqu'un compagnon cite ce type de parole et qu'on sait que c'est quelqu'un qui ne tirait pas ses récits de Ahl al-Kitab, comme c'est le cas de certains compagnons, et Ibn Omar, mais ici on n'est pas en lien avec un récit qui pourrait provenir de Ahl al-Kitab. Donc on donne ce qu'on appelle hukm al-raf, le statut, donc de faire monter al-raf, c'est faire monter. On fait monter cette parole au niveau du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc c'est quelque chose qui a été dit au prophète, par le prophète, alayhi salatu wassalam. Même si la chaîne de transmission s'arrête à un compagnon, mais cette parole prend le statut d'avoir été dite par le prophète alayhi salatu wassalam, car elle ne peut relever de l'effort d'un compagnon. Ibn Omar est connu pour son fort cramponnement à la sunna et son pointillisme. Donc c'est quelqu'un qui est loin de dire quelque chose relevant de son avis dans le domaine de la zakat. Il dit sauf ensuite, illa. Donc concernant cette condition qui est le fait que l'année s'écoule sur le bien, il dit, donc en termes d'exception, illa al-kharija min al-ard, sauf ce qui sort de la terre. illa al-kharija min al-ard. Donc ce qui sort de la terre, on verra ces différentes catégories. Il y aura différentes catégories, on verra fruits ou légumes, ou bien aussi rikaz, les trésors. On verra tout ça en détail. Sauf ce qui sort donc de la terre, comme al-huboub, al-thimar, donc les grains, les fruits, al-ma'adin, les minéraux, al-rikaz, les trésors. On verra ça ensuite. Donc il y a bab al-kharij min al-ard. Il y a aussi un chapitre concernant ce qui sort de la terre. Bab zakat al-kharij min al-ard, la porte de la zakat concernant ce qui sort de la terre. Donc ce qui sort de la terre, hein, on n'attend pas que le bien, il est que l'année se soit écoulée sur celui-ci. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit wa atu haqqahu yawma hasadi, et donner son droit le jour de la récolte. Le jour de la récolte. Donc lorsque ce bien-là est sorti donc de la terre, ou bien lorsqu'il a été récolté, suivant donc sa nature, on le verra ensuite dans le chapitre, on donne la zakat à ce moment-là. On donne la zakat à ce moment-là et on n'attend pas, contrairement aux autres, bien qu'un an s'écoule. Donc il a dit « illa al-kharija min al-ard ». Donc ça c'est la première catégorie pour laquelle on n'attend pas qu'un an se soit écoulé, ce qui sort de la terre. On aura un chapitre complet sur ce qui sort de la terre. Il dit « wa nama an-nisab min an-nitaj war-ribh ». Et ce qui a fait croître le seuil, ce qui a fait croître le seuil, qui a fait augmenter donc la quantité pour laquelle il y a zakat, en raison de an-nitaj, donc an-nitaj et ar-ribh, donc le gain. An-nitaj, ça va être par exemple les naissances dans un troupeau. Dans un troupeau. Mathalan, j'ai 40. J'ai, on va dire, 5 chameaux. J'ai 5 chameaux. Sans parler mâle, femelle. 5 chameaux dans le sens chameau, chamelle. Pour 5 chameaux, on verra, on a un mouton. On a un mouton. Ces 5 chameaux-là, donc au moment où j'ai eu mes 5 chameaux, j'en avais 4, au moment où j'en ai 5, c'est là que le compteur démarre. J'ai atteint le nisab. On verra que le nisab minimal pour la zakat concernant le chameau, c'est 5. Lorsqu'on a 5 têtes, on avait cité dans le hadith. Au bout d'un mois, j'en ai encore 5. 2 mois, j'en ai encore 5. On est dans des mois lunaires. 11 mois, j'en ai encore 5. La veille de la zakat, hein, j'ai 5 naissances, mathalan. Ils sont combien maintenant ? Ils sont 10. Arrivé à 10 chameaux maintenant, j'ai 2 moutons. Ces 5 chameaux-là qui sont nés, est-ce qu'un an s'est écoulé sur eux ? Non. Est-ce que la zakat est obligatoire sur eux ? Oui. La zakat est obligatoire. Car il a dit donc le bien, il doit atteindre le seuil, et l'année doit s'écouler. Illa, il a dit, donc sauf illa al-kharija min al-ard, sauf ce qui sort de la terre. Donc là, on n'attend pas que l'année s'écoule, car on doit le donner au moment de la récolte ou bien de sa sortie de la terre. Il dit aussi, وَنَمَا أَنِّصَابِ مِنَ النِّتَاجِ. Donc, est-ce qui provient donc du seuil, ce qui provient du seuil. Quelle est l'origine de ces 5 chameaux? C'est les 5 autres qui avaient déjà concrétisé le seuil. Donc, eux, ils prennent le statut de leur origine et on doit compter la zakat sur 10 sur le total. Il dit war-ribh, et aussi les bénéfices. War-ribh, et aussi les bénéfices. Et ça, on verra dans zakat urud al-tijara, donc dans la marchandise. Hein, donc, lorsque quelqu'un commence un commerce, donc lorsqu'il commerce avec donc une marchandise, donc on va appeler son capital, hein, il va acheter par exemple, il va se mettre à faire les marchés, il va acheter 20 paires de chaussures. Ces 20 paires de chaussures, elles n'atteignent pas le nisab de l'argent, qui est environ, on va dire, de 400 euros en ce moment. Il investit 200 euros, cette personne-là. Lui, est-ce qu'il a atteint le seuil là ? Non. Non, car on verra que le seuil de la marchandise, c'est le seuil soit de l'or, soit de l'argent. C'est le moindre des deux seuils, le seuil actuel, moindre, c'est l'argent. Donc là, il n'est pas dans le seuil, il ne commence pas à compter. Donc, à décompter un an. Si en revanche il investit 1000 euros, là il est au-dessus du seuil de l'argent, dès qu'il commence à avoir cette marchandise là, il a acheté ses 1000 euros de chaussures, il commence à mettre son compteur en marche et il commence à décompter un an. Au bout de un an, il a 8000 euros lui maintenant. Il a 4000 euros dans son compte en banque, Hein, il a 4000 euros dans son compte en banque et il a 3000 euros de chaussures maintenant, d'accord ? Non, et 4000 euros de chaussures, on va dire. 4000 euros de chaussures et 4000 euros d'argent liquide. Tout ça, ça provient de quoi ? Ça provient de son commerce, des 1000 euros qu'il avait investi au début dans les chaussures. Hein. Est-ce qu'un an a tourné sur tout ce qui descend des 1000 euros là ? Non. Non. Mais il doit sortir au bout d'un an la zakat sur donc les bénéfices de son commerce. Il ne doit pas attendre que un an s'écoule là-dessus. Contrairement au salaire, on verra les salaires c'est un autre cas. Parce que les salaires c'est pas du bénéfice. Hein, les salaires c'est autre chose. Chaque salaire peut être indépendant, mais là on n'est pas dans le salaire. Hein, là on est dans Urud al-Tijara. Donc dans la marchandise. Pour ça qu'il dit illa al-kharij min al-ard, sauf ce qui sort de la terre, wa nama an-nisab. Et la croissance, donc ce qui est en plus du nisab concernant an-nitaj, donc les naissances, hein, il dit wa ribh et aussi le bénéfice, fa inna hawlahuma hawlu aslihima. Leur année, donc leur décompte en termes de période, c'est le décompte de leur base. D'accord ? Donc tu décomptes pour des naissances de moutons, de chameaux ou autres. Le décompte de l'année que tu avais commencé lorsque le seuil premier avait été dépassé, et de même pour les bénéfices prennent donc comme décompte le décompte de l'année lorsque le premier seuil avait été dépassé. Bon, une remarque qui est importante ici, c'est concernant la zakat de l'argent de l'enfant et du fou, on va appeler ça, donc celui qui a perdu la raison. Car ici, on a terminé donc les conditions concernant le bien, d'une manière générale, après on va le développer, chaque chapitre développera. Donc, concernant la zakat de l'enfant. Donc, l'enfant qui n'est pas pubère, on a des gens comme ça qui ouvrent un compte pour leur enfant et qui mettent de l'argent dedans. Hein? On rappelle qu'ouvrir un compte dans une banque qui traite avec les intérêts, c'est haram à la base. Selon l'ijma, ça rentre dans wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Il ne faut pas s'entraider dans le péché et la transgression. Donc à la base, traiter avec une banque qui elle traite avec les intérêts, c'est haram. Et on peut diverger là-dessus. Après, c'est du fait de la darura par rapport au contexte actuel que la permission va l'exception, la dérogation va avoir lieu. Mais ad-darura tuqaddaru biqadriha. Donc la dérogation, elle est évaluée en fonction du besoin. Donc quelqu'un qui est salarié aujourd'hui, bon, il ne peut pas vivre en France sans compte. Hein, tout ce que tu reçois comme remboursements médicaux, comme salaire, etc., ça demande un compte. Hein, c'est fini l'époque du main à main ou du chèque que donne le patron, sauf exception. Donc tu vas ouvrir un compte et non pas 2, 3 ou 20, comme font certains. Tu vas ouvrir un compte. Et sans intérêt, ce qu'on appelle un compte courant, non pas un plan PEP ou je ne sais quoi, avec combien de pourcents, pour pouvoir recevoir ces choses-là. C'est bien là. Qui à la base tu retireras pour garder en nature chez toi, mais vu les risques que ça comporte, risque d'incendie, etc., de vol ou autre, donc à ce moment-là, il faut mettre ces niyas là. Je ne mets pas mon argent comme Monsieur Dupont et Durand mettent leur argent à la banque. Non, moi en tant que musulman, je sais que c'est haram. Allah déteste cet endroit-là, ne l'aime pas et n'aime pas cette transaction-là, ou bien ce dépôt, qui est de laisser cet argent-là auprès d'une banque qui traite avec des transactions haram. Mais la nécessité fait qu'il y a dérogation, donc la nécessité est évaluée en fonction du besoin. Donc j'ouvre un compte courant pour simplement mettre cet argent-là et je ne vais pas au-delà de ça. Et je ne m'entraide pas avec ces banques-là. Je ne prends pas les abonnements téléphoniques auprès des banques à intérêt. Je n'assure pas ma voiture auprès d'une banque, etc. Mais il faut minimiser, et selon la nécessité, donc toute forme de relation avec ces institutions-là. Donc certains parents ouvrent un compte pour leurs enfants. Donc ça déjà, c'est soumis à critique. Est-ce qu'on est dans une nécessité ? Hein, ouvrir un compte pour son enfant et lui mettre 20 euros par mois, comme ça lorsqu'il aura je ne sais quel âge, il pourra passer son permis tout de suite, etc. Donc cet argent-là, lorsqu'il atteint le seuil et que un an se sont écoulés sur cet argent-là, Est-ce que la zakat est obligatoire ici? Selon la majorité, oui. Il faut sortir la zakat ici. Elle est wajiba sur qui? Sur son wali, sur son tuteur, sur celui qui gère cet argent-là. Donc ça, c'est concernant l'enfant et aussi al-majnoun, le fou. Il avait beaucoup d'argent et il est en hôpital psychiatrique, il est enfermé et il n'a plus accès à son compte, par exemple. Hein, ou peut-être au liquide qui était chez lui, il était chez ses parents ou autre, bref, et désormais est désigné quelqu'un pour lui gérer son argent. Est-ce que la zakat est obligatoire dans son argent? Oui. La zakat est obligatoire pour son argent, dans son argent selon l'école malikite, shafi'ite, hanbalite. Selon la généralité du verset d'Allah, khudh min amwalihim sadaqa, prends de leur argent une sadaqa. Donc ça c'est général dans les riches, qu'ils soient fous, qu'ils aient la raison, qu'ils soient pubères ou encore des sibiennes, qu'ils ne soient pas pubères. Il dit ensuite, rahmatullah alayhi, wa la tajibu zakatu illa fi arba'ati anwa'a. Et la zakat n'est obligatoire que dans quatre types. Donc, dans quatre types de biens. Donc, le premier bien, as-sa'imatu min bahimatil an'am. Donc, as-sa'ima min bahimatil an'am. Les bestiaux qui sont sa'ima. Et on va le voir ça plus tard. C'est ceux qui sont dans le pâturage, que l'on met à paître. C'est ceux qui paissent, donc ceux qui mangent dans les champs. Et ce n'est pas elle, al-ma'loufa, celle qui mange donc dans son étable de la nourriture que le propriétaire achète. Celle qui mange ce type de nourriture-là, il n'y a pas de zakat pour elle, mais c'est celle plutôt qui mange dans les pâturages, et dans les pâturages qui ne sont pas plantés par le propriétaire ou par toute autre personne humaine. C'est la végétation qu'Allah, comme ça, a fait pousser de manière, la végétation sauvage, dans une forêt, dans les montagnes, dans les collines. Mais même si c'est en dehors, donc de l'étable, mais dans une végétation qu'un humain a plantée, il n'y a pas, alors, zakat, on le verra ça ensuite. Parce qu'il y a un chapitre complet concernant sa'imatu min bahimatil an'am. Donc, à sa'ima, on verra ce que c'est, dans al-an'am, les bestiaux. Donc les bestiaux. Et les bestiaux, c'est plusieurs donc catégories que l'on verra. Donc il y a el-ibil, donc les ce qu'on appelle les camélidés, avec les deux types, chameau de bosse et dromadaire une bosse. Le dromadaire, il est arabe et le chameau, il est asiatique. On le verra aussi dans le chapitre. Avec aussi les bovins, donc les vaches et taureaux, les bœufs. Avec donc ce qu'on appelle aussi al-jawamis, les buffles, c'est un type de vache qu'on trouve en Asie, en Inde, tout ça au Pakistan, ils ont ça. Al-jamous, le pluriel c'est al-jawamis. Et ensuite on a les ovins et les caprins. Donc les moutons avec brebis et boucs et chèvres. On aura des seuils respectifs que l'on verra ensuite. Donc bahimatul an'am, ces trois catégories là. Ce sont des biens dans lesquels il y a zakat, et on aura un chapitre complet concernant Bahimatul An'am, donc on passe. Al-Kharijou min al-Ard, ce qui sort de la terre. Et ça, aussi, ça comporte plusieurs catégories. Donc on verra Zuru', les grains, Al-Thimar, les fruits. Donc on verra les dates, etc., avec des conditions qui peuvent être conservées, mais je passe pour l'instant. Aussi, Al-Tharawat, Al-Ma'daniya, les minéraux, ce qui sort de la terre, on verra. Et d'autres biens que l'on verra, il y a Erikez, les trésors. On verra les trésors suivant leur époque et dans quelle terre ils sont trouvés. Est-ce qu'il y a zakat ou non? On le verra en détail ensuite. Donc ça, c'est la deuxième catégorie, ce qui sort de la terre. Première catégorie, les bestiaux. Troisième catégorie, Al-Athman. Al-Athman. Al-Athman, c'est... On va appeler ça les monnaies. À la base, les transactions financières avant se faisaient par l'or et l'argent. Le dinar, c'était la pièce d'or, et le dirham, c'était la pièce d'argent. Et donc, dans les marchés, dans la vie quotidienne, lorsqu'on achetait ou vendait, les transactions se faisaient avec des pièces d'or ou bien d'argent. Donc, al-athman, à la base, c'est al-dhahabu al-fidda, l'or et l'argent, et ont pris le statut de ces deux monnaies-là, al-awraq al-naqdiya, donc le liquide, les espèces, aujourd'hui que l'on trouve, l'euro pour l'Europe, le dollar pour les États-Unis, etc. Chaque pays aujourd'hui a sa monnaie. Et cette monnaie-là, donc on verra aussi, il y a un chapitre concernant zakat ou l'athman, la zakat des monnaies, ou bien on peut dire des valeurs. On verra que les espèces aujourd'hui, donc les monnaies contemporaines prendront le nisab donc de la valeur inférieure entre l'or et l'argent. Donc on regardera le seuil de l'argent et de l'or, et ce sera le moindre des deux seuils qui sera le seuil correspondant donc à la monnaie. Il dit ensuite la quatrième catégorie, urud at-tijara. Donc on va appeler ça nous les marchandises. Les marchandises, ce sont la quatrième catégorie, donc pour laquelle il y a zakat. Et on aura aussi babu zakat wa urud at-tijara, on aura la porte concernant la zakat de la marchandise. Il dit wala zakat affichée in min dhalika hatta yablugha nisaba. Et il n'y a pas de zakat dans toutes ces catégories là qui ont précédé jusqu'à ce qu'elles atteignent le seuil. Jusqu'à ce qu'elles atteignent le seuil. Donc on verra pour chaque catégorie, on aura un seuil. Donc pour le chameau, le premier seuil, ce sera 5. Et on verra qu'on aura ensuite d'autres seuils. Pour les vaches, ce sera 30. On aura d'autres seuils. Pour Al-Ghanam, donc les ovins, ce sera 40. Pour l'or, ce sera 20 mithqalan. Donc ça, c'était à l'époque une unité au temps du prophète alayhi salatu wasalam, qui équivaut à 85 grammes d'or. Il y a même divergence là-dessus. Ça, c'est l'avis de beaucoup de savants, dont Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayhi. Et ça ne se prend pas de n'importe qui, ça se prend de quelqu'un qui a de la science et de la taqwa. Car les gens, ils ont pesé à peu près l'équivalent de ces pièces en or, etc. avec leur propre balance, et ils sont arrivés à ces conclusions-là. Et ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Uthaymin et d'autres. Que pour l'or, c'est donc 85 grammes. Et pour Al-Fidda, c'est 100 dirhams, 210 dirhams de l'époque du prophète, alayhi salatu wasalam, ce qui équivaut à 595 grammes d'argent. Donc lorsqu'on veut trouver le seuil d'argent, c'est simple, hein, on va sur internet, il y a beaucoup de sites officiels aujourd'hui qui donnent le cours en direct de l'argent, et tu as ta conversion à faire, tu entres 595 grammes, et Allah Alam, il est à 34 centimes ou 43 centimes, quelque chose comme ça en ce moment. Il n'est même pas à 50 centimes d'euros le gramme d'argent, et tu as l'équivalent. Donc ça, ce sont les différents seuils, on les trouve donc dans la sunna, et notamment le fameux hadith d'Abu Bakr radiallahu anhu, qui est rapporté par Al-Bukhari. Et c'est un grand écrit qu'a écrit Abu Bakr, donc à la personne qui était au Bahreïn, et dans laquelle il lui décrit donc l'obligation, la zakat que le prophète alayhi salatu wasalam avait lui-même auparavant décrit de manière détaillée. Donc on ne va pas lire tout le hadith car il est long, mais on le retrouvera découpé au fur et à mesure donc de cet épître-là dans nos explications, parce qu'il donne en détail la zakat, wallahu a'lam, des différentes catégories. Et peut-être qu'au prochain cours on le lira inchallah de manière détaillée, mais là on n'a plus le temps. Donc il dit rahmatullah alayh, il n'y a pas de zakat dans ces catégories précédentes jusqu'à ce que donc le bien atteigne le nisab, donc le seuil minimal. Il dit wa tajibu fi ma zada 'ala an-nisab bi hisabi. Et la zakat est obligatoire pour ceux qui dépassent le nisab, pour ceux qui dépassent le nisab de manière proportionnelle. De manière proportionnelle. Donc ça va être dans al-kharijou min al-ard, ce qui sort de la terre, dans urud at-tijara, dans la marchandise, et dans al-athman, les monnaies. Donc lorsque j'atteins le seuil, on va dire en argent, 500 euros, on va dire, là je l'ai carrément dépassé, mais je suis à, on va dire, pile 595 grammes d'argent. Nous on va dire que c'est 350 euros, hein. je dis ça par estimation, j'ai pas fait la conversion là récemment. On va dire que c'est 350 euros. Là, j'ai atteint le seuil. D'accord? Dans un an, j'ai toujours 350 euros. Je devrais sortir 2,5% de 350 euros. Si je suis tout de suite d'entrée à 600 euros. Dans un an, j'ai encore 600 euros. Je dois sortir 2,5% de 600 euros. Donc, c'est toujours proportionnel, quelle que soit la valeur qui est au-dessus du seuil. Pareil pour la marchandise, pareil pour ce qui sort de, pour ce qui sort de la terre. Une fois que j'ai atteint le seuil, tout ce qui se trouvera au-dessus du seuil, hein, pour le, ce qui sort de la terre, pour les monnaies, ou bien pour les marchandises, ce sera toujours 2,5%, pas 2,5% parce que c'est pas ça pour ce qui sort de la terre, c'est pas ça pour les légumes et les fruits, etc. Mais ce sera toujours proportionnel. Il n'y aura pas un autre seuil. sauf les bêtes. C'est pour ça qu'il dit illa sa'ima. Donc sauf les bêtes. Donc les bêtes, pour le chameau, on verra par exemple, c'est 5 chameaux, un mouton, 10 chameaux, 2 moutons, 15 chameaux, 3 moutons, 20 chameaux, on a 4 moutons, 25 chameaux, ce sera donc une chamelle qui a fini un an et qui entre dans sa deuxième année. Donc là, il n'y a pas de notion de proportionnalité, on verra que suivant le seuil où tu te trouves, tu devras sortir telle chose. Et on a aussi donc des seuils intermédiaires. On a donc des seuils, on a des valeurs intermédiaires entre chaque seuil. Dans le chameau, dans la vache, dans les bovins, dans les caprins, dans les camélidés, on a donc des seuils intermédiaires. Le premier seuil, le seuil minimal dans le chameau, c'est 5. Le deuxième seuil, c'est 10. Est-ce que lorsque j'ai 6 chameaux, je dois sortir donc ici par proportionnalité? Non, le sixième chameau, il compte pas. Je dois sortir un mouton, pas un mouton et quelques, parce que j'ai 6 chameaux. D'accord? 7 chameaux, un mouton. 8 chameaux, un mouton. 9 chameaux, un mouton. 10 chameaux, on passe à 2 moutons. D'accord? C'est pour ça qu'il a dit, il la sait, il m'a sauf, les bestiaux, falaché afi awqasiha. Il n'a rien dans ses awqas. Et al awqas, c'est le pluriel de waqas. Et le waqas, c'est donc la zone intermédiaire entre deux seuils. 6 chameaux, 7, 8, 9, on appelle ça al-waqas. D'accord? Al-awqas, c'est ça. Donc, il n'y a pas donc de zakat dans ces zones intermédiaires. C'est lorsqu'on arrive au seuil supérieur qu'à ce moment-là, la zakat change et on doit donner autre chose. Donc voilà, ça c'était concernant l'introduction de l'auteur. Et on va entrer donc dans Bab ou zakat is-sa'ima la semaine prochaine, bi-iznillah. Et là, on détaillera donc les bestiaux, leurs différentes catégories. Et ensuite, on aura d'autres portes. Après Bab ou Zakat Issa'ima, on aura Bab ou Zakat Il-Kharji Min Al-Ard. On aura la porte de la Zakat de ce qui sort de la terre. Ensuite, on aura Bab ou Zakat Il-Athman, la Zakat donc des monnaies, des valeurs. Bab ou Hukmi Dain. On aura ensuite la porte concernant le statut de la dette. Lorsque tu as prêté de l'argent, il y a détails. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut te rendre, qui en a les capacités, qui ne peut pas te rendre? Etc. On verra le détail de toutes ces choses-là. Ensuite, Babu Zakat al-Urud, la Zakat de la marchandise. Babu Zakat al-Fitr, donc les savants l'intègrent, l'imam Ibn Qudama l'a intégré ici. Zakat al-Fitr, qui est une forme de Zakat que l'on sort à la fin du mois de Ramadan. Babu Ikharaj al-Zakat, donc comment est-ce qu'on sort la Zakat? On aura le détail, donc sur différents points. Babu Ikharaj, Babu Man Yajuz Udaf'u al-Zakat ilay, la porte de à qui est-il permis de donner la zakat? Donc on ne donne pas la zakat à qui on veut. Ensuite on aura bab ou la yajuz daf' az-zakat ilay, la porte de ceux pour qui il est interdit de donner la zakat ou à qui il est interdit de donner la zakat. Donc il y a des catégories, on verra à qui on n'a pas le droit de donner sa zakat, et ce sera le dernier chapitre bi-idhnillah azza wa jalla. Qu'Allah nous permette inchallah de finir ce kitab. Kitab al-Zakat, qui est extrêmement important et c'est un pilier de l'islam. Et on remarque qu'on n'en parle pas beaucoup, qu'Allah nous pardonne, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.